Ça me fait plaisir d'accueillir. Ben, on a fait plusieurs entrevues. On a fait plusieurs entrevues ensemble. Mais pour la première fois depuis que je fais des entrevues vidéo Zoom, l'ancien président et commissaire de la Ligue canadienne de football, Monsieur Larry Smith. Salut Larry. Salut mon Danny. Mon Dieu, je savais pas que vous avez le même visage qu'un acteur de Hollywood là. Wow. Hey, c'est la première fois que tu vois ma grosse face de cochon depuis 2005, mon Larry. Ben, je hey, t'as grisant. Oui. Je peux te dire une chose concernant votre cheveu, là. C'est troisième essai puis poussière. Ah là. Oui, troisième essai puis ça s'en va vers quatrième essai avec un botté de dégâts. Mais déjà, je suis chanceux pareil parce que mon père, à 50 ans, il avait plus de cheveux. Fait que moi, j'en ai encore un peu. C'est quand même pas si pire, là. Ah ouais, non, t'as l'air de, comme il dit en anglais, stop, arrête, puis grow. Ouais, tu commences là. Ouais. Larry, on finit les niaiseries, on va parler un petit peu de, je t'ai appelé pour, évidemment, t'es l'ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, t'es également, tu dois sûrement avoir un peu une idée sur la XFL, c'est toi qui avais amené d'ailleurs la Ligue canadienne aux États-Unis, mais avant, je veux te parler de Marv Levy. Écoute, Marv Levy, qui est des Alouettes, c'est une très belle initiative d'ailleurs des Alouettes de pousser sa candidature pour être au temple de la renommée de la Ligue canadienne de football. D'abord, premièrement, j'étais sûr que ça fonctionnait. J'étais sûr qu'il était déjà au temple de la renommée du football. Comment ça marche, le temple de la renommée du football canadien? Est-ce que tu le sais? Mais vous savez qu'ils ont une espèce de groupe. Ouais. Ces gens sont sélectionnés, ils ont un mandat, un terme. Alors, dans ce groupe, il y a des journalistes, quoi? Il y a des, Je pense que c'est un mix. Okay. Vous avez les gens comme Wally Buono, ancien coach, ancien coéquipier de moi, il est un membre. Vous avez des gens de la média. Alors, c'est un mix, Danny. Alors, le pourquoi Marv n'est pas déjà dans le temple, c'est pas mal pour moi, c'est très simple. Il y a certains gens sur le comité qui veulent voir. Oh, ce bonhomme-là a passé 30 ans dans le LCF, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Puis pour eux autres, c'est le terme, le time que les gens dépensent dans un job, dans quelques jobs, etc. Dans le cas de Marv, il faut demander une question. Est-ce que Marv a fait une différence? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il a fait une différence majeure? Oui. Est-ce qu'il a sauvé la franchise? Oui. Est-ce qu'il a gagné les Coupes Grey? Oui, deux fois, puis dans un troisième que nous avons perdu, dernier jeu du match. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment ramené le football à Montréal. Il a développé une force dans l'Est, la conférence l'Est de la LCF. Et lui était vraiment un leader. La mesure d'un individu, c'est l'impact qu'il fait sur une période de temps. Et si c'est un impact court terme, mais un impact majeur, les gens ou le bonhomme ou la femme méritent d'avoir l'accès au temple. Alors, ça, c'est un point de vue, Danny, mais c'est mon point de vue. OK. En 73, Marv Levy est arrivé, je pense, avec les Alouettes en 1973. C'était pas chic non plus, les Alouettes. T'sais, on se rappelle des années 77, 78, 79. C'était quand même c'était des belles années. Mais quand Marv Levy a pris les rênes des Alouettes, tu me corrigeras, Larry, j'avais un an, je n'étais pas vieux, là, mais je pense que c'était pas chic. Hein? Non, mais honnêtement, nous avons joué à l'autostade. L'autostade, nous avons une moyenne d'à peu près 12 à 15 000 personnes, des vrais amateurs de football. Et avec Marv, en 73, nous avons une fiche de 9, je pense, 9 et 7. Et en 74, c'était 9, 1 et 6. Nous avons gagné la Coupe Grey à Vancouver contre Edmonton. À 75, nous avons perdu sur le dernier jeu du match. Don Sweet a raté son botté de précision. Mmh. Et 77, nous avons mangé les Esquimaux à 41-6. Mais Marv a sauvé la franchise. Il faut que les gens comprennent que Marv a sauvé la franchise. Deuxième chose, quand quelqu'un avec qui vous avez travaillé laisse une impression que vous allez souvenir dans 40 ans, est-ce que cette personne a fait un impact? Et honnêtement, je me souviens pas mal tout ce que Marv a fait dans mon mémoire aujourd'hui, 50 ans après. C'est incroyable. Alors, quelqu'un qui fait une impression, et ce n'est pas juste sur moi, c'était pour tous les joueurs sur l'équipe, parce que Marv a dit il y avait 20 personnes, 20 joueurs qui ont commencé ensemble en 72. Dickie Harris, il y avait Wally Buono, il y a Junior Ayu, Dan Yoakam, il y avait Gordon, Glenn Weir, moi-même. Nous avons 20 personnes qui ont commencé. Marv nous a dit, « Guys, si tu joues bien, si tu prends le leadership de notre équipe, tu vas rester longtemps. » Savez-vous la moyenne de carrière de ces 20 personnes? C'est 7 à 10 ans. Nous avons une constance ensemble, mais c'est le Marv qui nous a donné l'habilité de prendre le leadership, mais Marv était le leader. Est-ce que Marv Levy t'a influencé dans la vie? As-tu eu des principes que Marv Levy t'a inculqués, que tu t'es servi comme commissaire, tu t'es servi comme président des Alouettes? Honnêtement, je me souviens une coupe. Et la chose que je me souviens le plus, c'est l'empathie. L'empathie pour les autres gens. Ouais, okay. Et je pense que j'étais assez chanceux que j'avais cette caractéristique dans mon garde-robe, si tu avais, dans mon CV. Mais par contre, c'est Marv qui m'a donné vraiment la chance parce que j'étais le représentant du joueur pour 7 ans. J'étais un des leaders sur l'équipe. Je n'étais pas le meilleur joueur. J'étais un bon joueur, mais je n'étais pas le meilleur. Okay? Mais il m'a donné la chance d'être leader. Et il y avait 2-3 leaders sur le club. J'étais un. Mais empathie, c'est honnêtement numéro un que je me souviens de Marv. Et deuxième chose, sens d'urgence. Okay. Dans le business, c'est probablement un outil qui m'a aidé le plus. Parce que vous savez, Danny, que quand nous avons essayé de rebâtir le stade Percival Molson, c'était pas facile. Non. You know, Bob Wettenhall a mis à peu près 8 à 10 millions. M. Charest nous a aidés avec une vingtaine de millions. Puis nous avons d'autres personnes qui nous aidaient pour construire, reconstruire, rebâtir le stade. Alors, ce n'était pas facile. C'était un projet de 10 ans. Mais heureusement, nous avons complété ce projet. Mais ces facteurs d'empathie avec les tierces personnes, avec les fournisseurs, avec les amateurs, ça m'a aidé énormément. OK. Larry, tu es ancien commissaire de la Ligue canadienne de football également. Donc, je t'appelle pour, évidemment, il y a des rumeurs qui circulent que la XFL, il y aura une fusion. Je t'ai entendu dans plusieurs autres antennes mentionner que tu semblais, en tout cas, pour cette fusion-là. Mais d'abord, es-tu inquiet de l'avenir de la Ligue canadienne de football? Parce que moi, je me dis dans l'affaire, on n'entend pas parler de grand-chose encore. Danny Mathurcha m'a dit que jusqu'à nouvel ordre, c'est le 10 mai, mais connaissant le commissaire de la Ligue canadienne, on ne sait pas ce qui se passe. On ne savait pas l'année passée, on ne savait pas avec la vente des Alouettes ce qui se passait. J'ai l'impression que c'est un sentiment de déjà-vu. Es-tu inquiet pour l'avenir de la Ligue canadienne? Mais, Danny, le clé, c'est très simple. Il y a un objectif. C'est d'avoir une saison en 2021. Une saison. Si ça commence quand entraînement dans le mai ou juin ou juillet et la saison est peut-être plus courte, il commence Labor Day, le festival de travail. Là. Ouais. Il faut avoir une saison. Le focus, c'est d'avoir une saison. Parce que d'avoir un focus avec le XFL, savez-vous, Danny, le temps que ça prend pour chercher des franchises dans notre expansion, c'est pas overnight, c'était 6 mois, 1 an, juste pour chercher des franchises. Et le XFL, c'est bon que le Rock, Dwayne The Rock Johnson, wow! C'est bon qu'il est là, il a beaucoup d'argent, beaucoup de gens forts, mais le XFL est tombé à cause de COVID, plus le rating. Il était bien parti, par contre. Il faut le dire, là, il était bien parti avant le COVID. Oui, oui, mais ils ont mangé un claque vis-à-vis la perte d'argent qu'ils ont. C'est bon de dire qu'il était bon, mais par contre, c'est quoi notre focus en direct de nous? Il faut jouer, il faut avoir une saison. Et s'il y a les possibilités de faire des affaires avec un autre groupe, c'est quoi les possibilités? C'est quoi la direction? C'est quoi les ouvertures d'esprit? C'est quoi les règles? Il y a beaucoup de facteurs à discuter, mais le timing, d'après moi, ce n'est pas maintenant. Parce que le football dans le printemps, ce n'est pas dans c'est pas dans la mentalité des Américains. Non. C'est NFL, NFL, NFL. Alors, il faut ben, que... C'est-à-dire qu'il y aurait, je crois toujours un marché de la il y aurait un marché pour une ligue de football le printemps, sauf qu'il ne faut pas que tu essayes de compétitionner à la NFL. T'es mort en partant si tu essayes de compétitionner à la NFL. C'est ça. Alors, la question, c'est que est-ce qu'une ligue dans le printemps peut survivre? Un. Ouais. Deux. Est-ce que le XFL, CFL peut faire un merger, une fusion? Ben, il y a des possibilités. Mais par contre, c'est quoi les règles? Ce sera quoi? Est-ce qu'il va prendre les meilleurs éléments de chaque ligue et bâtir une nouvelle ligue? Je ne sais pas. Mais par contre, notre ligue a eu plus que 100 ans. Nous avons eu des hauts puis des bas. Oui. Nous avons des excellents propriétaires. Mais les propriétaires cette année, il faut qu'ils décident une chose. Il faut que nous allons jouer parce qu'ils vont perdre d'argent. Parce que le nombre d'amateurs dans les gradins, c'est la clé d'année. Ben oui. Alors, dans notre meilleur temps, nous avons eu à peu près 12 millions d'argent par année des gens au Percival Molson dans un petit stade. Mais là, c'est le nombre des gens qui payent pour les billets qui est le plus important. Alors, avec le COVID, vous allez avoir la distance sociale encore pour au moins un autre an. Alors, cette année, ce sera quoi? C'est quoi le nombre qui peut aller dans ce stade? C'est tout ça qu'il faudrait savoir. Tu sais, il y a des négociations avec les différentes santé publique. C'est quand même 10. Il y a 9 équipes. C'est 9, mais 9 équipes, il y a 8, il y a 7 provinces. Tu sais, c'est des règlements différents dans chaque province. Il aurait fallu à négocier ça. Il aurait fallu à savoir davantage. En tout cas, on n'en sait pas. Puis j'ai parlé à des joueurs, puis ils n'en savent pas plus non plus. Puis on est à quoi un mois du début du camp d'entraînement? C'est inquiétant, là. C'est ça. Mais c'est une situation très difficile, Danny. Il faut donner un peu de marge de manœuvre à notre commissaire, mais par contre, il faut sortir des directives qui sont fortes et avec une direction stratégique, d'après moi, de dire « Oh, XFL, XFL! » Mais hey, c'est quoi le numéro un comme priorité pour la Ligue? C'est de jouer cette année, point! De commencer de mettre les gens dans les gradins, vendre la publicité. Est-ce qu'ils vont faire plus des patchs sur les chandails? Est-ce qu'ils vont vendre plus vis-à-vis commandite? Mais j'imagine qu'ils ont des plans d'action, mais ils ne parlent pas. Mais ce n'est pas nécessairement un mauvais show, mais il faut qu'ils vont livrer quelque chose cette année. Effectivement, la LCF aurait plus à perdre, je pense, que la XFL. La XFL n'a rien à perdre. Ils n'ont vraiment pas vraiment commencé. Ils étaient bien partis, mais ils n'ont pas commencé vraiment. Et la LCF, ça a 100 ans d'histoire. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup à perdre, je pense. Oui. Larry, gros merci. Félicitations encore une fois. Je suis bien content de t'avoir revu, que tu m'aies revu, en fait. Puis, au plaisir de se reparler sur Zoom un autre tantôt. Mais honnêtement, Danny, pour avoir une chance de parler avec un gars de Hollywood comme toi, là, dans le côté de Lac Saint-Jean, Mistassini-Dolbeau, et dis bonjour à tous les amateurs dans le coin, parce que là, le printemps, ça arrive. Oui, il a fait beau hier, surtout pour la journée de Pâques. Il a fait vraiment beau. Je ne sais pas à Montréal comment il fait. Plus 15, puis soleil. Ah, regarde, c'est sûr, c'est un gros 3 semaines, 1 mois en avance d'une zone. Larry, merci beaucoup, mais on s'en parle bientôt. OK, Danny, merci. L'ex-président des Alouettes de Montréal, les commissaires des Canadiens, Larry.